Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. C'est notre 143e rendez-vous pour du rock progressif de qualité sur les ondes de CIFU FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde, de l'animation, du choix musical et de la recherche avec la complicité de Denis Marchand et Robert Blanchette. Aujourd'hui, à l'émission, nous aurons Los Jaivas du Chili, Steve Hackett et le groupe aussi Khan. Ça vient d'Angleterre, la Bocca della Verità d'Italie, Iceberg d'Allemagne, Evership des États-Unis, Opeth de Suède, Genos Varga Project de Hongrie. Nous aurons Dreamtime d'Australie, No Sound d'Italie, Banana d'Argentine, Happy Domain des États-Unis et finalement Camel d'Angleterre. Alors au début, nous débutons avec Los Jaivas. C'est une formation chilienne avec une connotation plutôt folk. C'est un groupe qui a été actif entre 1971 et 2001. On leur connaît 14 albums studio, dont celui paru en 1981 qui s'appelle Alturas de Machu Picchu. C'est un album qui a été beaucoup apprécié des amateurs de rock progressif. Et c'est l'album le plus connu et le plus fidèle à ce que nous jouons à l'émission ici. Alors, on va débuter ça avec Los Jaivas. Ça va continuer avec Steve Hackett. Steve Hackett, qu'on connaît bien pour sa participation dans Genesis. Il a une carrière solo prolifique. Et tout récemment, depuis quelques années, en fait, il s'active à revisiter le répertoire de Genesis. Alors, on aura Firth of Fifth, qui originalement était sur l'album Selling England by the Pound. Et ce qu'on va entendre aujourd'hui, ça vient de Watcher of the Skies, Genesis Revisited. Et on va conclure le bloc avec la formation canterburienne Khan. Et un extrait du seul album qu'ils ont produit en 1972, Space Shanty. Alors, on débute ça avec Los Jaivas. La vida. En un viento de... mano de color de arcilla se convirtió en arcilla. Y cuando los pequeños párpados se cerraron, llenos de ásperos muros, poblados de castillos, y cuando todo el hombre se enredó en su agujero, quedó la exactitud enarbolada, el alto sitio de la aurora humana, la más alta vasija que contuvo el silencio, una vida de piedra después de tantas madrigal, an inland scene is

Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, avant de débuter le deuxième bloc, on va faire un petit retour sur ce qu'on a entendu avant la pause. Eh bien, c'était le groupe Can avec la pièce « Mixed Up Man of the Mountains » et c'est extrait de Space Shanty. Ça, c'est paru en 1972. C'est le seul album du groupe. Et auparavant, on a entendu Steve Hackett avec « Firth of Fifth ». Extrait de Watcher of the Skies, Genesis Revisited. Et en début de bloc, nous avions Los Jaivas du Chili avec la pièce La Peau de Rosa Muerte et c'est extrait de l'album anniversaire de 30 années de Arturas de Machu Picchu. Ça, c'était en 2011. L'album original étant paru en 1981. Alors, le deuxième bloc est consacré à des nouveautés. On aura La Bocha de la Verita. Avec une nouveauté, c'est-à-dire un premier album pour un nouveau groupe. L'album s'intitule Evenot. C'est paru en fin d'automne et j'avoue que c'est un des meilleurs albums de l'année 2016. Et c'est d'autant plus remarquable que c'est un groupe qui vient de faire paraître son premier album. On va enchaîner avec une formation allemande du nom de Iceberg. Et Iceberg, c'est pas iceberg comme iceberg, c'est Iceberg, Iceberg, c'est une formation allemande. Ils ont deux albums à leur actif, dont le plus récent, qui s'intitule Masquerade, et on va entendre Storm Food. Et en fin de bloc, nous avons une formation américaine aussi, une nouvelle formation avec un premier album. La formation, c'est Evership. L'album, c'est l'album éponyme et on va entendre Silver Light. Alors, on débute ça avec La Boca de la Verita. Thank you.

Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on a entendu avant la pause la formation américaine Evership avec la pièce Silver Light et ses extraits de l'album éponyme qui est paru à fin d'automne. Et ça, c'est le premier album du groupe, donc une nouveauté du côté des États-Unis. Et ça a été précédé de, aussi une nouveauté d'Allemagne avec le groupe Iceberg et la pièce Storm Food. Et c'est extrait de Masquerade, leur deuxième album qui est paru aussi en 2016. Et en début de bloc, nous avions la formation italienne La Bocca della Verità avec la pièce Reprise et c'est extrait de Avenot. Avenot qui est le premier album du groupe. Alors, dans ce troisième bloc, nous aurons la formation suédoise Opeth avec un extrait de leur 12e album studio Scorcheress. Et la pièce est A Fleeting Glance. Et ça sera suivi d'un guitariste hongrois que Paul Baudouin, un fidèle auditeur, m'a fait connaître durant un petit peu avant le temps des fêtes. Et puis, Jonas Varga Project, c'est le nom du groupe de ce guitariste, c'est un peu un groupe éponyme, et il a trois albums à son actif entre 2000 et 2009, et on va entendre un extrait du premier qui est paru en 2000, donc The Wings of Revelation, et ça sera suivi d'un nouveau groupe d'Australie, Dreamtime, et l'album s'intitule Strange Pleasures, et on va entendre Ascension. Et on va conclure avec une nouveauté aussi du groupe italien No Sound, qui a déjà cinq albums actifs, en fait cinq albums studio à son actif. Et on va entendre un extrait du dernier album Scintilla, et la pièce s'intitule In a Celebration of Life. Alors on débute ça avec Opeth. Tranquil, I've never Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on a conclu le troisième bloc avec la formation italienne No Sound, et c'est un extrait de l'album Scintilla qu'on a entendu. La pièce, c'est In Celebration of Life, et ça avait été précédé d'un groupe australien, Dreamtime, et leur premier album qui est paru il n'y a pas longtemps s'appelle Strange Pleasures. Et on a entendu Ascension, et ça a été précédé du guitariste hongrois Janos Varga et la pièce I Must Be Going, extrait de The Wings of Revelation. Et en début de bloc, nous avions Opeth avec un extrait du dernier album Scorceress, et la pièce s'intitulait A Fleeting Glance. Alors, on est rendu au quatrième bloc de l'émission, et on va commencer avec un autre groupe que Paul Baudouin m'a fait connaître. Il s'agit de Banana. C'est un groupe argentin avec un seul album à son actif. C'est paru en 1979 et l'album s'intitule « On es tiempo de sonar ». Et on va enchaîner avec Happy The Men. C'est un groupe américain qui a été actif entre 1979 et la fin des années 1990, donc une vingtaine d'années. Ils ont 5 albums studio à leur actif, et on va entendre un extrait de Crafty Hands. Crafty Hands qui se trouve être le deuxième album qui est paru en 1978. Et on va conclure avec Camel et Lunar Sea. Lunar Sea, c'est une pièce qui est extraite d'une compilation. La compilation s'appelle The Collection. C'est paru en 1978. Je pense que j'ai mentionné que la pièce s'intitule Lunar Sea. Alors, on débute ça avec Banana. Que ya nunca puede descansar y tú. canción. Thank you. Alors, c'était Camel, la formation britannique, avec la pièce Lunar Sea. Ça a été précédé de Happy The Man des États-Unis. Et on a entendu EB, It Is. Et au début de bloc, nous avions Banana avec la pièce Vespera. Les trois pièces datent de 1978. Alors, c'est un petit retour en arrière qu'on apprécie de temps en temps. Alors, ceci met fin à l'émission et c'est Jimmy Farley qui vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine à la même heure et au même poste, c'est-à-dire à C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.